Ah d'accord. Je me demandais qui venait d'arriver, mais non, On se dit bonjour à Craig. Bonjour Craig. Salut Casséo, bah merci de venir faire un petit playtest donc, de l'Auvergne de tous les dangers, donc le livre dont vous êtes le héros Milvo. Donc là on a créé ton perso déjà, on l'a fait hors micro. Et puis si tu veux bien maintenant on va se lancer dans l'aventure quoi. C'est parti, je sens que tout va mal se passer. Non. Alors je te rappelle, parce que c'est une point de règle important, si ça se passe trop mal, n'oublie pas de dépenser des points de rogne pour rétrograder dans les paragraphes. Pour revenir en arrière, c'est noté. Ouais. Oui, non, par mal se passer, j'entends dans la fiction. Je pense que... Ok, alors ça commence effectivement assez mal pour Anthrax, puisque tu te réveilles, tu es dans un état de coltard monstrueux, quoi. Tu sens que la sévancre là est bien, bien active, te fait bien mal. Donc tu es dans un état tout merdique. Résultat des courses, tu perds 3 points de trip. Ok, bonjour, noté. Tu sors d'une espèce de coma, tu sens que ça bouge, que t'es allongé sur un truc qui bouge, quoi, et tu vois trois silhouettes floues devant toi. Ton premier réflexe, espèce de réflexe de vétéran ou de vétérane, tu chopes ton épée fusil, puis tu braques les gens, quoi. Et puis, au fur et à mesure que tu retrouves la vue, tu te calmes un peu, parce que les gens sont pas agressifs, en plus, ils t'ont laissé ton épée fusil, tu vois, enfin, et donc tu redescends un petit peu d'un cran dans la parano. Donc, tu réalises que t'es dans une, au fur et à mesure que tu commentes tes sens, tu retrouves un peu tes sens, tu réalises que t'es dans une, en fait, t'es dans une caravane, t'es dans une roulotte qui appartient à une caravane de gitans, quoi. Et tu vois par les fenêtres que vous êtes sur la voie déchue, donc c'est ce qui reste des autoroutes, donc c'est tout défoncé, il n'y a plus qu'une voie carrossable sur les quatre, et c'est entouré de forêts, quoi. Et les trois personnes, donc tu les vois un peu mieux. Tu te rappelles plus de rien, tu sais pas ce que tu fais là, pourquoi tu t'es réveillé là et tout. Tu sais pas trop qui tu es, quoi. La première personne, c'est une vieille gitane, vraiment sans âge, quoi. Elle porte sur elle un jeu de tarot de Marseille. Et sur son épaule, elle a une martre. Je sais pas si tu vois quel type d'animal c'est. Je vais le voir dans quelques instants. Grosso modo, c'est une espèce de grosse fuine noire qui se nourrit d'animaux un peu plus gros que la fuine ne mangerait, quoi. Okay, je vois la bestiole. Et donc, à côté d'elle, il y a, un gitan qui a des gestes vers la taromancienne qui laisse à penser que c'est son amant. Sauf que tu lui donnerais l'âge d'être son petit-fils, quoi. Il ne doit pas avoir beaucoup plus de 18 ans. Il porte sur lui une bourse pleine de caps, donc les caps c'est des capsules de bière, c'est la monnaie en fait à Milvo. Et des fois il a une espèce de visage de faucon fier et noble, et des fois il a plutôt un visage de buse, tu vois, un peu fourbe, un peu traître, donc il est assez difficile à cerner. Et la troisième personne, c'est une personne qui est sur toi en train de te soigner en fait. Qui s'appelle Trouvé. C'est pareil, tu lui donnes à peine plus de 18 ans. Lui, il est plutôt typé hindou, donc il est vraiment très, très bronzé, quoi. Et il porte sur lui des onguents de guérison. Et il t'explique en fait qu'ils t'ont trouvé dans la forêt, t'étais dans le coma, et ils t'ont ramassé pour éviter que tu te fasses dévorer par des charognards, quoi. Et ils t'ont récupéré, quoi. Okay. Donc, à tout moment, n'hésite pas à poser des questions. C'est vrai que dans un jeu de 11 euros, c'est assez fermé. Il y a une situation qui est exposée, tu peux pas agir. Mais on est sur du test, donc ça se trouve, si tu me poses des questions, ça va peut-être me faire dire ah oui, il faut que je rajoute tel élément, tu vois, tout ça. D'accord, donc, n'hésite pas à avoir des réflexes purement rôlistes. Ok, je me mettais dans le mood de lire un bouquin, donc du coup, c'était normal. Okay. Je te dis ça pour la suite, quoi. Du coup, je te demande en fait quelle direction tu veux prendre. Tu as plusieurs choix. Tu peux aller te mêler aux gitans, tu peux laisser la taromancienne te tirer les cartes, tu peux passer du temps avec le soigneur ou tu peux échanger avec l'amant de la taromancienne. clairement, je pense que le premier réflexe, ça va être d'échanger avec le soigneur. Pour savoir dans quel état je suis. Ah, allô? Je suis là. Je jump sur le paragraphe, en fait. Ah, pas de soucis, d'accord. Donc, tu te retrouves dans la roulotte de trouver, en fait. Tu remarques qu'il a des vêtements amples qui doivent cacher quelque chose. Et tu sens que tu vas avoir un flashback à ton sujet. À son sujet, en fait, aussi. Donc, visiblement, tu as déjà dû le rencontrer avant, quoi. Et autre chose, c'est que, en fait, il se trouve que trouver, il a ce qui t'attire chez quelqu'un. Donc, en D'accord. l'occurrence, la franchise. Et donc, tu es libre de me préciser, en fait, en quoi tu estimes qu'il fait preuve de franchise, quoi, en quoi il te trouve attirant du fait de sa franchise. Je pense que c'est un peu glauque, mais dit comme ça. C'est pendant les états de soins, il était, enfin, il prenait pas trop de gants, entre guillemets. Il n'hésitait pas à dire exactement qu'est-ce qu'il fallait faire, quel était le risque. Du genre, ouais, non, c'est pas. C'est pas un ça va aller mieux, vous en faites pas, je regarde, c'est non, vous arrêtez ça, enfin ça c'est dangereux, vous allez prendre un certain temps parce que voilà, quitte à expliquer très clairement pourquoi, tu vois, plutôt que de prendre des milliers, des cents, quoi. C'est ça, il va pas faire des euphémismes. Ok. Donc là, tu peux laisser venir le flashback, mais il faut que tu saches que ça va te causer une perte de 2 points de trip, d'effort mental en fait. Ou alors tu peux te laisser soigner, ou tu peux prendre congé de lui. Je vais laisser venir le flashback. Donc je note 2 trips en moins Bah, encore. tu perds 2 points de trip. Ça me Et en dérange. fait, voilà ce dont tu te rappelles. Il se trouve que tu as déjà aimé trouver. Et là, actuellement, dans le moment, enfin, vous avez déjà eu une relation, quoi. Et dans le moment présent, tu le trouves assez doux à ton égard. Donc la question, c'est est-ce que lui se rappelle de quelque chose ou pas, quoi. Comment... Ah tiens, c'est marrant. Ouais, faut que je fasse gaffe avec mes questions parce que celle-là, on pourrait croire que ça appelle une réponse de ta part, mais c'est pas le cas. D'accord, oui, effectivement, c'était. Ouais, je rédigerai d'une façon à ce qu'il n'y ait pas de doute. Là, tu peux te laisser soigner ou prendre congé de trouver. Je vais me laisser soigner du coup pour la suite. Là, vous avez un moment d'intimité où vous prenez soin l'un de l'autre, ou l'une de l'autre. Pendant ce moment d'intimité, tu réalises que le corps de trouver est couvert de cicatrices et de traces d'anciennes fractures. Il s'occupe bien de toi puisque tu récupères 4 points de trip. Donc, les moments d'intimité, c'est des moments particuliers en fait dans le jeu. C'est des moments où tu passes du temps avec un PNJ et vous n'êtes pas dérangé. Et en fait, c'est à toi d'imaginer. Bon, je t'ai donné quelques détails, mais c'est à toi d'imaginer le reste en fait de votre activité pendant le moment d'intimité. Ça peut aller de prendre le thé ensemble jusqu'à avoir un rapport sexuel, quoi. Ouais, non, là pour le coup, enfin, vu que de toute façon c'est une question de soins, ce que j'imaginais comme scène, c'est que bon, bah, trouver soigne, donc du coup, nécessairement, c'est un acte un minimum intime, et à un ou deux moments, Anthrax donne des. Enfin, potentiellement, ce que j'ai le plus, c'est si Anthrax voit les blessures, propose d'aider aussi, quoi. Mais on reste là-dessus. À ce moment-là, tu peux soit lui proposer ton amitié, tu peux aussi lui proposer une romance, ou tu peux prendre congé de lui. J'ai rien proposé, du coup. C'est bizarrement, mais ouais, je vais. C'était absolument libre. Oui, non, mais c'est pour ça, je vais. Ok. Alors, si t'es. Alors, donc, là, à ce moment-là, il y a deux choix, selon que tu sois en bon terme ou en terme neutre avec la Taromancienne, ou selon que tu sois en froid avec elle. En l'occurrence, pour le moment, tu es en terme neutre avec elle. Du coup, ça t'amène à ce que avoir une entrevue avec elle, où la Taromancienne te demande de prendre trouver sous ton aile et de partir. En fait, elle tire un tarot, une carte de tarot pour te montrer pourquoi. La carte de tarot, c'est la carte de la justice, mais inversée. Donc, ça fait un peu l'injustice, quoi. En fait, elle t'explique que trouver est maudit, en quelque sorte. Il est en grand danger tout le temps. Le problème, c'est que là où les menaces qui le frappent peuvent aussi atteindre tous ses proches. Donc, partout où il est, il met en danger en fait les gens qui l'accompagnent. La taromancienne estime que Trouvé a le droit de vivre comme tout le monde et qu'il aurait besoin d'être protégé. Mais le fait de s'il reste dans la caravane, ça expose toute la caravane et c'est un risque finalement elle refuse de prendre. Et donc elle voudrait en fait, elle croit beaucoup en toi et elle voudrait que tu quittes que tu partes en forêt avec Trouvé en fait. Vous quittiez la caravane tous les deux pour que tu protèges Trouvé. Donc elle te le demande bien platement, mais toi tu peux accepter ou refuser. Attends. Donc du coup c'était pas un choix l'entrevue, on est d'accord? Ah oui non, c'est du moment que tu prends congé de Trouvé, il y a la taromancienne qui te saute dessus, puis qui t'explique tout ça quoi. Et donc t'as juste le choix de lui dire merde ou d'accepter quoi. Alors, dans l'absolu, j'aimerais bien lui dire merde, mais de lui dire merde en mode non, vous virez pas Trouvé de votre caravane. Mais en soi, de toute façon, si je lui dis. Si tu refuses, ça va correspondre à ça, en fait. Ah, d'accord, je croyais que refuser, c'était non, je l'embarque pas avec moi. C'était pour ça. Oui, non. Attends, du coup, j'ai rédigé. Je préfère que. Reste dans la caravane. Donc toi tu préfères que Trouvé reste dans la caravane quoi. Je vais pas l'embarquer ailleurs. Ouais. Vu que j'ai perdu mes souvenirs et qu'on m'a sauvé, a priori la caravane est quand même un endroit plus sûr que moi. Impec. Du coup la taromancienne elle baisse un peu la tête et elle fait ouais je comprends, je ne peux pas t'y forcer, par conséquent Trouvé va rester parmi nous et que Dieu nous vienne en aide. je pars du principe que bon en Trax c'est très bien qu'il y a des trucs bizarres qui se passent mais a quand même tendance à voilà, de toute façon ça rentre dans le c'est quasiment du pseudo-fatalisme hein. C'est il y a quelque chose machin et c'est c'est bon. Tout à fait. Ouais. Du coup, vous arrivez à Noirmont-Ferrand. La caravane arrive à Noirmont-Ferrand. Donc, c'est la seule chose qu'on pourrait qualifier de ville à des lieux et des lieux et des lieux à la ronde. Et en fait, c'est concentré sur le centre-ville historique de Clermont-Ferrand. Donc j'avais bien compris. Tout à fait. Donc c'est au pied des montagnes couvertes de forêts et puis des volcans, pareil, tout couvert de forêts. Et ce qui reste du centre-ville historique est sain en fait de barricades de bois sur lesquelles on peut observer patrouillant en fait il y a des paramilitaires avec des FAMAS qui tiennent la ville à la fois sous leur protection et sous leur coupe. Et ce que tu sais, c'est que leur chef s'appelle le colonel Boutefeu. Donc, t'arrives dans cette ville qui est assez grouillante. Ici, les gens vivent à l'abri de la forêt, mais ils vivent dans des conditions quand même pas terribles. Il y a une grande promiscuité. Donc tu vois des toutes petites baraques, des toutes petites bicoques entassées les unes sur les autres. Là-dedans, il y a des marchés sauvages, les gens chics du tabac. Il y a les animaux d'élevage, vaches, poules, cochons, ils sont laissés à vagabonder dans la rue, quoi, dans des conditions d'hygiène que tu peux imaginer assez peu idéales. Et là, tu as beaucoup de choix qui s'offrent à toi. Tu peux profiter que la taromancienne s'absente faire des démarches administratives pour fouiller sa roulotte. Tu peux visiter la ville. Tu peux saisir une... Alors, tac, tac, tac. Alors, il y a une option que tu ne peux pas accéder, c'est qui était saisir une opportunité que te propose l'amant, Oui, fatalement. fatalement, parce que tu t'as, en fait, tu l'as encore pas rencontré. Et tu peux faire d'autres activités dans la caravane. Non, je vais visiter la ville. Je vais pas fouiller la roulotte parce que bon, bah, ils m'ont bien aidé, donc. Alors concrètement, la ville, donc quand tu es en ville, tu as trois choix. Tu peux retourner dans la caravane pour. Ah oui, attends, une fois que c'est ça. Ouais, tu peux retourner dans la caravane. Tu peux aussi. Comment. Tu peux aussi aller dans l'un des trois quartiers de la ville. Donc il y a le quartier rouge qui s'appelle comme ça bah, à cause des nuances dominantes, le sang des abattoirs, le rouge des tuiles, les draperies aussi. Tu peux aller dans le quartier brun. Bah là, ça va être la boue, ça va être les latrines, ça va être les toits de bois et de chaume. Et puis tu as le marché noir avec les caniveaux qui charrient du limon, la crasse un peu partout, et puis les ruelles sombres. Alors, on va éviter les abattoirs. Ça m'a l'air d'être le lieu le plus mal famé. Je vais aller au quartier brun. Alors, le quartier brun, en fait, il se passe pas la même chose selon ton aura. Donc, toi, en D'accord. l'occurrence, t'es neutre. En fait, tu rencontres un chien errant. Tissu. Et oui. Alors, il est vraiment pelé, quoi. Il a des parasites. Enfin, il est bouffé de partout. Enfin, ah, il est pas du tout dans un bel état, quoi. C'est toujours fou. C'est un chien, c'est fou à rencontrer. C'est une sorte de bâtard, et donc il te suit après en muant la queue, tu sais, avec sa langue là. Et en fait, franchement, il a l'air de te prendre pour sa mère ou son père, quoi. Et donc la question, c'est est-ce que tu l'adoptes ou est-ce que tu l'envoies chier, quoi, à mon coup de pied? On va adopter ce petit chien. Enfin, on va le laisser nous suivre. C'est un bon Ok. chien. Peu importe, même s'il est pustulé, c'est un bon chien. Old Super. Dogo, alors, Old Dogo. Alors du coup, tu peux lui donner un nom et puis l'ajouter dans ton inventaire. Je suis vraiment désolé. Mon personnage s'appelle Anthrax, il s'appellera donc Liken. Ok, impeccable. Et en fait, tu vois, dans la ville, les gens ont un peu tendance à passer leur nerf sur leur chien, tu vois. Et en fait, ça pourrait être assez tentant de faire de même, tu vois. Un bon coup de pied ou deux, ça te ferait peut-être du bien, tu vois. Ça te défoulerait. Est-ce que tu le fais ou non? Est-ce que tu maltraites Liken ou pas? Non, mais non, mais Ok, non. fort bien. Bon, bah, du coup, la visite du quartier brun est terminée en ce qui te concerne. Ok. Donc, est-ce que tu vas visiter un des deux autres quartiers ou est-ce que tu retournes dans la caravane? Je vais quand même aller voir sur le marché noir. Excuse-moi, il y a une autre possibilité que je n'ai pas précisée, c'est que tu peux aussi partir à l'aventure en forêt depuis la ville. Non, non, marché noir, je... Ok. Alors, le marché noir, il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, je rééquilibrerai, mais là, je suis sur mes notes, c'est pas facile de faire ça à la volée, donc Vas-y. tu me pardonneras. Il y a beaucoup de choses dans le marché noir. Il y a un vendeur à la sauvette qui vend tout un tas de petits trucs. Il y a la casemate de la seconde du colonel Boutefeu. Si jamais tu veux avoir un contact avec les militaires, c'est par là qu'il faut passer. Il y a une sorte d'épicerie, enfin un endroit où ils vendent de la bouffe, quoi. Toi, t'as pas pris envoûtement. Bon, faut savoir que si t'avais pris envoûtement, tu pouvais accéder à un bâtiment supplémentaire. D'accord. C'est quoi ça? T'as une animalerie. Qu'est-ce que j'oublie? Il y a aussi possibilité de jouer à une espèce de jeu de hasard, en fait. C'est une espèce de bonto qui joue avec des cartes de tarot de Marseille. D'accord, ok. Je sens l'endroit où tu peux utiliser ta rogne. C3. C'est les quatre. Ouais, c'est quoi C3? C3 vers un trouvé. Non, ça pas ça, je vais l'enlever. Ça n'a pas trop d'intérêt. Qu'est-ce qui te tente du coup? Je suis en train de me dire que l'épée fusil a peut-être un lien avec les militaires, mais rentrer sans aucune bonne raison d'aller les voir, c'est pas une bonne idée. Du coup, je vais aller au premier. Le premier que je t'ai évoqué, c'était quoi? C'était le vendeur à la sauvette? Ouais, c'était le vendeur à la sauvette. Ok. Qu'est-ce qu'il vend à la sauvette, lui? Alors, il te propose de te vendre un sifflet à ultrasons, qui peut être utile pour gérer des chiens, en fait. Et donc, il te le propose contre 5 capsins ou un point de rogne. En fait, ça correspondrait à l'idée que tu lui raconterais une anecdote. Parce que les souvenirs servent de monnaie en fait dans cet univers quoi. Donc des fois tu peux acheter un truc juste en racontant une anecdote, mais en fait en termes d'attrition ça te coûterait un point de rogne. Il y a une autre possibilité, c'est que tu peux avoir le truc gratos si ta résistance à l'oubli, mais bon tu l'as pas. Fatalement, ouais, d'accord. Donc est-ce que tu lui achètes son sifflet et si oui, bah contre 5 caps, ce sont t'as pas de caps. Non, il n'y a pas de caps au Ouais. début. Donc, du coup, c'est un point de rogne pour le sifflet. Je pense que je vais le prendre. À 6. Alors, sauvegarde que tu as 7 en maximum, parce qu'il y a des moments où tu peux remonter. D'accord, ouais, bah je notais ce que je perdais plutôt que. Ouais. Impec. Du coup, est-ce que tu fais un autre endroit du marché noir? Donc du coup, il y a le vendeur à la sauvette, le truc où on peut jouer, le truc militaire. Je vais aller voir l'endroit où on peut jouer. L'animalerie, l'épicerie. Animalerie, épicerie. Ouais, et le jeu de hasard aussi. Bah en vrai, techniquement, ma manière de faire, ça serait d'aller voir quand même dans chaque bâtiment un par un. Donc je vais voir dans l'animalerie ce qu'il y a, puis s'il y a Ok. rien qui m'intéresse. A priori, je peux faire des allers-retours ici, donc. Ouais, en fait, la nana qui. Donc, t'as plein d'animaux dans des cages et tout, mais tu sens que. C'est une animalerie, hein. Je prétends pas que c'est le paradis des animaux, hein. Mais qui sont plutôt bien traités. Enfin, je veux dire, ils sont carrément en meilleure santé que toutes les bestioles que tu as vues traîner dans la ville, quoi. Incluant sans doute Liken. Oui, carrément, oui. Voilà, la boutique est dans un état de propreté assez atypique. En fait, comment? Elle trouve tout de suite que tu. Elle sent que tu as un bon feeling avec les animaux. Elle te propose un magnifique husky pour un prix assez ridicule. Hein. Il faut bien l'admettre. Qui est. Ouais, grosso modo. Elle te propose 10 caps ou un objet, quoi. Je vais avoir plein de chiens. Si je fais ça, est-ce que je peux réellement m'occuper d'autant de chiens, tu vois? Je suis en train de me dire, j'ai déjà Liken qui me suit, chien de moisi. En même temps, les gens ici, ils gèrent très C'est mal aussi leurs qu'en chiens. tant qu'objet, enfin, t'as pas de cap, c'est au niveau des objets, c'est un peu la loose, t'as, grosso modo, t'as juste ton tabachiqué, quoi. C'est ça, c'était ce que j'étais en train de me dire. En gros, elle échange un Noski contre le tabachiqué. Je t'avoue que je vais sans doute quand même le faire parce que ça m'a l'air d'être un bon deal, mais Ok. ouais, Je vais donner mon tabac à chiquer, mais... Bon, bah du coup, tu peux donner un nom à ton, ton nouveau, Whisky, ton alors nouveau il chien. s'appellera Boule de Neige. Ok, magnifique. J'ai aucune originalité. Ah, du coup, à côté de Lycan, c'est vraiment la Belle et la Bête. Hein. J'espère qu'ils vont bien s'entendre. Ouais. Et donc, suite à ça, elle te dit... moi, j'ai vraiment, je vous sens, j'ai vraiment un bon feeling avec vous, et je vous conseillerais vraiment d'aller voir les Clepsons. En fait, c'est des hommes-chiens qui vivent cachés dans des grottes calcaires au milieu de la forêt. Vous reconnaîtrez l'entrée de leur repère parce qu'il y a un arbre couvert d'ossements. Et moi, honnêtement, je vous conseillerais beaucoup d'aller à leur rencontre. C'est la fin du paragraphe, il n'y a pas... C'est ça, elle en dit pas plus, quoi. Enfin, après, comme toujours, tu peux me poser des questions si tu penses qu'il y aurait besoin d'approfondir, mais a priori, il n'y a pas d'info de plus, quoi. Donc du coup, je suppose que là, on se retrouve au hub de où tu veux aller. Ouais, c'est ça. Donc si tu restes dans ce quartier, il te reste le jeu de tarot, l'épicerie et puis la casemate. Non, je vais totalement foutre la PL. Ah, quoi que. Non, je vais moi et mes deux chiens allons jouer de manière complétiste. Ouais. On va donc ouvrir la porte de l'épicerie. Ok. Je vais avoir un troisième chien. Et ça roule. Ça va être tellement bien. En fait, tu peux. Comment tu peux. Là, en fait. Grosso modo, t'as deux repas que tu peux acheter, quoi. Alors, ils sont en vente pour 5 caps ou un objet. Un objet ou une anecdote, ce qui fait que ça coûterait un point de rogne. Alors, premier, donc t'as deux repas qui sont au même prix. Il y en a un, en fait, c'est vraiment dans une espèce de grand pot. C'est très copieux. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est couvert d'épices. Donc il y a vraiment une très forte. Enfin, c'est tapissé d'épices. Donc il y a vraiment une très forte. C'est surtout l'odeur d'épices qui est à retenir, quoi. Et l'autre, c'est un plat beaucoup plus chiche. C'est juste une, enfin, en grosso modo, c'est tellement chiche que c'est une assiette de pois chiche. Hein. Concrètement, quoi, une assiette de pois chiche avec deux champignons qui se battent en duel. La question, c'est comment, quel repas en fait tu Quel repas tu achètes? Enfin, tu peux acheter les deux, mais... Est-ce que c'est du coup possible de ne pas acheter de repas ou est-ce que tu dois acheter un repas? Oui, bien sûr, c'est possible. D'accord. De ne pas acheter de repas. Bah écoute, en soi, je vais partir du principe que survivalisme va me suffire et je vais pas, ça, ouais. Je vais pas dépenser ouais, les anecdotes. Ouais. C'est donc, carrément. Okay. Il reste le truc de tarot, je vais aller faire un tour. Tu vois, donc ils jouent en fait, c'est les tarots en l'occurrence, c'est des tarots de l'oubli, quoi. C'est le tarot de Marseille, tu vois, sert à prédire le passé, quoi. Bon, c'est du coup, c'est chaque carte contient des tout petits souvenirs, quoi. Et donc, ils te proposent, voilà, ils te proposent de faire une partie. Comment ils disent, ils disent que tu peux miser ce que tu veux et si tu n'as pas d'argent, tu peux miser un objet ou un point de rogne. Ouais, non, je vais pas prendre le risque. Donc là maintenant, je suis en train d'hésiter. Est-ce que je vais voir le casemate? Allez, je vais voir le casemate. Ok. Ça, c'est mon habitude dans ce genre de jeu. Hein. Dès que je peux commencer à rentrer dans tous les bâtiments, je rentre. Oui, puis moi, ça m'intéresse. Hein, donc. C'est très souvent, ça va être je rentre. Ouais, non, ça m'a pas l'air un bon deal, mais c'est bon, c'est ce qu'il y a dedans. Ouais, je vois. Alors. Alors, c'est page numéro 7. Donc, t'arrives donc dans l'espèce de tour de garde qui est tenue par la lieutenante du colonel Boutefeu. Elle s'appelle, en l'occurrence, elle s'appelle Tricia. Et donc, c'est une nana qui a l'air assez nerveuse, tu vois. Elle a un visage dur, fermé. Elle est équipée avec un couteau, un pistolet. Et ce que tu remarques aussi, c'est qu'elle a une longue chevelure tressée, quoi, des tresses magnifiques. Et tu as l'impression que ça, entre guillemets, ça incarne toute sa force à la fois physique et de caractère, quoi. Alors, la question est la suivante, c'est est-ce que tu utilises survivalisme pour comment Ouais, non, pardon, ouais, je pense que je vais mettre comme ça. Concrètement, en fait, rapidement, elle se met à te poser des questions et tu sens qu'elle est en train de te faire subir une épreuve de confiance, de voir si tu es. Si t'es quelqu'un avec qui on peut discuter ou pas, quoi, ou si t'es une baltringue. Et donc là, t'as plusieurs options. Tu peux tenter d'utiliser survivalisme pour l'impressionner par tes capacités de ranger et de coureuse des bois. Tu peux aussi, comment, tu peux juste essayer d'y aller au charisme, c'est-à-dire que tu tentes un jet de rogne. D'accord. Ou encore, tu peux l'acheter entre guillemets avec des infos en fait en dénonce. Ah oui, alors attends. Alors ça, tu pourras pas le faire parce qu'en fait, c'est mis où tu peux comment dire à Tricia ce que la taromancienne cache dans sa roulotte. Mais en l'occurrence, D'accord. tu ne sais pas ce qu'elle cache dans sa roulotte, donc Ah, ça, tu mais peux pas le maintenant je faire, sais qu'elle cache quelque chose. quoi. Ouais. Ouais, mais du coup, non, non, bah non, je vais utiliser le survivalisme. Hein. Okay. Les skills avant le swag, hein, Ok, fort bien. Et ben du coup, elle fait en fait, elle trouve que tu te la pètes. Elle dit ouais, j'aime pas. Enfin, franchement, je te trouve bien trop roublarde, bien trop bavard, quoi. Sors de mon champ ou c'est moi qui vais te sortir un coup de pompe dans le cul. Bon, bah, on va sortir avant de se prendre des coups de pompe dans le cul. Bon, tu peux faire ça ou tu peux aussi claquer un point de rogne pour revenir un paragraphe en arrière, quoi. Ouais, non, non, on va sortir avant de se prendre des coups de pompe dans le cul. Ok. Je vais garder mes points de rogne. Ça roule. Donc là, en fait, t'es tombé sur un exemple, hein, ils sont pas forcément fréquents, mais un exemple où ta compétence, en fait, t'a nui plutôt qu'elle t'a aidé. Oh, non, pas de soucis, c'est pas non plus, je me suis pris une balle dans la tête directement. Non. Du coup, t'as éclusé tout le marché noir. Ouais, et le marché Et tu veux faire noir. le marché rouge, ou est-ce que tu préfères retourner dans la caravane ou te Non. barrer en forêt? Je vais laisser le marché rouge. Je vais retourner à la caravane. Le marché rouge, non seulement mon personnage est végé, mais en plus j'ai deux chiens, alors ça m'a l'air d'être une mauvaise idée. Donc, quand tu es de retour dans la caravane, tu peux attendre que la caravane va repartir en fait vers le sud. Donc tu peux partir quoi ou tu peux réexplorer la caravane. Ok, donc du coup, c'était voir trou. Alors, c'était discuter avec les gitans. Alors, discuter avec les gitans, fouiller la Tu peux discuter avec chambre. les gitans, tu peux aller passer du temps avec la taromancienne, tu peux passer du temps avec Trouvé, mais bon, concrètement, tu l'as déjà fait, donc il va rien se Ouais, passer de c'est. nouveau. Tu peux aussi passer du temps avec, comment il s'appelle, avec l'amant. Bah, je vais aller voir la taro. Je vais aller voir la pique-nique douille. Je vais aller voir l'amant. Je vais passer du temps avec tout le monde. Je charge le chapitre. Vas-y, vas-y, vas-y. Mon profil de joueuse, c'est je suis la personne pour qui BioWare a mis les options à gauche dans ses roues de dialogue, qui est dites-moi en plus, dites-moi en plus. Non, c'est cool. C'est super parce que du coup, on teste bien le truc. Donc, quand tu retrouves l'amant, en fait, il est en compagnie de la tauromancienne, et tu remarques un détail, en fait, c'est que la martre qui est sur l'épaule de la tauromancienne, son animal de compagnie, ne supporte, ben, visiblement, ne supporte pas l'amant, quoi. Tu sais, elle lui crache dessus, elle essaie de le griffer dès qu'il s'approche et tout. Bon, c'était sûrement déjà le cas avant, mais là, tu t'es. Une marthe sur l'épaule, je pensais à un tatouage. Non, c'est une vraie C'est une marthe. vraie martre, ouais, tout à fait. D'accord, ok, c'est. Je me disais, il se met à griffer, j'ai fait waouh! Ah non, c'est une vraie, d'accord, Une fois que tu as vu ça, est-ce que tu dis non, je ne vais pas échanger davantage avec l'amant ou est-ce que quand même tu vas passer du temps avec lui? non, bah, je veux savoir pourquoi elle te crache à la figure, la marthe, là. Après, j'essaierai peut-être de parler à la martre si je peux, mais. Donc tu vas. Alors, non, tu vas être déçu, mais on peut pas parler à la martre. Tant pis, c'est pas grave. Alors, tu passes un moment d'intimité avec l'amant. Donc, à nouveau, je te laisserai me dire si c'est une tasse de thé ou un moment de sexe ou tout Bon, autre chose. je pensais que ça allait être effectivement des échanges de tasses de thé, quoi. Enfin. Ok. Et à l'issue de ce moment d'intimité, en fait, le livre te pose une question. La question, c'est qu'est-ce qui t'attire chez l'amant, malgré qu'il n'ait pas l'air d'être un amant sincère vis-à-vis de la tauromancienne, et que la martre le déteste? Mais alors, je vais dire qu'il a l'air un peu perdu. Oui, je vais dire ça, il a l'air un peu perdu. Du coup, voilà, ça me donne envie de l'aider. Tu vois, il a pas l'air méchant, il a l'air un peu perdu. Ok. Ensuite, en fait, le livre te demande si tu es honorable ou si tu es nuisible ou neutre. Tu vois, il ne se passe pas la même chose selon ton aura. Donc, en l'occurrence, tu es neutre. Donc, du coup, il te fait une confidence. Il te dit, en fait, je fais du trafic. J'utilise la caravane comme couverture pour faire de la contrebande, quoi, pour organiser de la contrebande. En fait, moi, mon objectif, clairement, c'est de m'enrichir le plus vite possible pour quitter ce trou à rats, quoi. Et je pense qu'il y a vraiment matière de se faire un paquet d'or. Toi et moi, quoi. En fait, je pense que tu recherches la même chose que moi, quoi. Toi aussi, tu rêves d'un avenir meilleur et honnêtement, si on n'a pas d'or, cet avenir, on peut s'asseoir dessus, quoi. Donc, franchement, rejoins-moi, quoi. Bon, bah alors. Alors, concrètement, les choix, c'est un petit peu nuancé. En fait, tu réponds toujours la même chose. Tu dis, ça peut s'envisager. Attendons de voir ce que tu me proposes. Mais il y a un moment où tu réponds ça, et effectivement, t'attends. Et puis, il y a un moment où, comment, c'est, tu réponds ça, mais en fait, tu vas ensuite voir la tauromancienne pour le dénoncer. Je vais totalement partir sur la deuxième option. Ah, Ok. j'ai décrit qu'il était un peu paumé, donc bon, je pars du principe que c'est pas un vil monstre, c'est juste qu'il a fait ça, mais ouais, non, non, bah non, Ok, non, écoute, non. c'est ton choix, tu es libre. Donc tu vas voir la tauromancienne pour balancer son amant, quoi. Alors, on va charger le C'est chapitre. peut-être pas le bon truc de le dénoncer, mais tant pis, vaut mieux. Je préfère ça. façon, si ça te plaît pas, tu pourras toujours taxer de la rogne D'accord. pour redescendre. Donc en fait, la tauromancienne te dit. En fait, tu ne m'apprends rien que je ne sache déjà, mais je te remercie pour ta franchise. Crois bien que je gère mon amant plus que cela ne paraît. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié un détail hyper important sur la tauromancienne, c'est qu'elle est aveugle. Hein. Ah, d'accord, oui. Ok, oui. Apparemment, elle n'est pas aveugle au fait que son amant faisait de la contrebande, comme on dirait. Et alors, elle précise. Je veux lui dire que tu as surpris son manège et lui faire comprendre qu'il pourrait au moins avoir la décence d'être plus discret. Alors, Il faut savoir qu'il y a une conséquence, c'est que si tu avais une liaison avec l'amant, il va rompre avec toi. Et si tu n'en avais pas encore, tu pourras plus jamais en avoir avec lui, quoi. Ok. Ouais. Alors, est-ce que ça te... Et donc là, ça t'envoie vers un paragraphe suivant. Est-ce que tu acceptes ça ou est-ce que tu préfères rétropédaler? Non, non, non, je vais accepter. J'accepte les conséquences de mes... C'est même pas des conséquences gravissimes, tu vois, selon moi, donc... Attention à l'effet papillon. Oui, je vois ce style de jeu. Mais là, tu vois, j'en suis en mode, ok, bon, bah, j'ai peut-être une bonne raison si je peux aller fouiller sa saloperie Ouais, très bien. de... Là, d'un seul coup, ça va changer. Je veux savoir qu'est-ce qu'il trafique, tu vois, je... Non. Ok, donc là tu retournes au hub suivant, qui est, t'as le choix entre profiter que la tauromancienne s'absente, faire des démarches administratives pour fouiller sa roulotte, ou visiter la ville, ou Je vais peut-être aller lui parler, si c'est possible. Je crois qu'il y avait aller parler avec les gitans, aller parler à la tauromancienne. Alors, je précise, il y avait un choix, mais que tu pourras pas faire. C'était saisir une opportunité que te propose l'amant, si et seulement si tu as pu recueillir sa confidence, que tu as fait et que tu ne l'as pas trahi, mais tu l'as trahi. Voilà. Donc tu peux pas faire ça. Effectivement, tu peux retourner dans la caravane pour aller voir les gitans. Ouais, parce que je vais aller parler à la tauromancienne avant de... Enfin, je vais Mais tu préférer peux aussi aller... te faire tirer les cartes par la tauromancienne quand tu retournes dans la caravane, ouais. Mais je vais faire des interactions avec elle si avant de avant de voir si je vais fafouiller sa roulotte, tu vois, on sait jamais. Impec, Des fois que j'ai plus les options après. Donc du impec. coup. Ouais, donc la taromancienne, donc elle te lit les cartes, tac tac tac. Alors, enfin, elle commence à sortir son tarot du passé, tout ça. Elle t'explique que les cartes, en fait, elles lisent dans ton passé. Pour moi, c'est pas. Je suis allé un peu. Ouais, elle te. Mais que ça permet de t'orienter pour l'avenir. Elle te prévient, ça va un peu taper dans ta réserve mentale. Donc si elle te lit les cartes, tu perds 2 points de trip. Ok, bon, ça... Alors, tout, tout, tout, que je vérifie. Attends un petit instant. Je suis perdu dans mon truc. Ah oui, voilà. Donc tu peux accepter le tirage de cartes, tu peux refuser, ou tu peux lui dire bah discutons un peu avant. Bah, discutons un peu avant, du coup. Donc tu as un moment d'intimité avec la taromancienne. Et pendant ce moment-là, tu vas découvrir qu'elle a un coffre dans sa roulotte. Tu vois, un coffre solide avec une grosse serrure, enfin, qui doit certainement cacher quelque chose de précieux. Est-ce que tu peux me décrire en quoi consiste votre moment d'intimité? Bah, je pense que c'est une discussion, mais où ça va être surtout elle qui va parler. Genre, elle va me parler du fait que c'était bien que je prévienne, mais qu'elle est pas si vieille ni stupide que ça, tu vois. Elle donne quelques conseils du genre, va pas dénoncer trop vite les gens. Donc là, tu as plusieurs choix. Tu peux exercer un envoûtement sur elle. Enfin, tu peux pas le faire parce que tu n'as pas pris la compétence. Tu peux quand même te faire tirer les cartes. Tu peux reprendre l'exploration de la caravane ou quitter la caravane pour tenter l'aventure en forêt pour guérir de ta maladie. Ouais, non, je vais faire le tirage de cartes quand même. Ça coûte 2, mais je... Alors attention, là il y a un gros tunnel parce qu'elle te lit pas mal de cartes, hein, tu vas avoir pas mal d'infos. Juste question juste avant, pour guérir de ta maladie, c'est de base écrit comme ça ou c'est parce que c'est l'objectif que j'ai choisi? De base écrit comme ça. D'accord, ok. Ah oui, moi, je pense qu'il faudrait me proposer là en fait. Un truc à la volée. Donc, elle te lit les cartes. D'abord, tu as le 5 de bâton. Elle dit, en fait, qu'il y a un lieu où tu as subi des choses graves. Et ce lieu, tu seras amené à le revoir, quoi que ça puisse être douloureux. Elle te tire la carte de la mort, et évidemment, cette carte symbolise ta maladie. C'est une maladie que, si tu ne fais rien, eh ben, elle viendra à bout de toi, tôt ou tard, quoi. Mais que, il existe, enfin, elle est persuadée qu'il existe un remède et que tu peux le trouver, quoi. Elle te tire le 7 d'épée, et elle te dit que ça représente une personne que tu vas rencontrer, qui est à peu près aussi roublarde que toi, quoi, aussi rompue aux techniques de survie. Et qu'il pourrait être d'une très grande aide, mais en même temps, c'est quelqu'un dont il faut se méfier. Ok, elle te tire les amoureux. Elle dit que tu vas rencontrer une femme. Alors, elle t'explique que tout ça, c'est si tu prends un certain chemin, en fait. Si tu quittes la caravane pour tenter l'aventure en forêt pour guérir de ta maladie, c'est tout ce que tu vas rencontrer, en gros. Elle te dit que tu vas rencontrer une femme qui a plutôt un profil de victime, mais qui pourrait clairement t'attendrir. Et que ben, tu pourrais ressortir grandi de passer un moment avec elle. Après, il faut faire attention parce que d'une certaine façon, elle porte malchance, quoi. Enfin, elle porte vraiment la poisse, quoi. Sinon, tu vas te tire le battleur, tu vas rencontrer encore une autre personne qui est double, en fait. Il a un côté. Il va avoir un côté joyeux et solaire, mais il a aussi un côté sombre. Et elle te tire encore la Maison Dieu. Donc la Maison Dieu, je ne sais pas si tu vois la carte du tarot de Marseille, c'est une tour qui Oui, s'effondre. je la connais bien. Voilà, elle te dit que tu vas visiter en fait une ruine, comment, une ruine de l'ancien temps en fait, qui va être cruciale dans ta quête de guérir ta maladie. Et pour finir, le 10 de bois, elle dit voilà, ça se passe en forêt. En fait, si tu prends telle direction dans la forêt, tu devrais rencontrer tout ce que je t'ai dit, quoi. Suite à ça, tu peux prendre congé d'elle, tu peux passer plus de temps avec elle, ou tu peux utiliser la. Alors, résistance à l'oubli, tu l'as pas pris, donc tu aurais pu utiliser résistance à l'oubli pour zoomer sur un truc, ou tu peux quitter la caravane pour tenter l'aventure en forêt pour guérir de ta maladie. D'accord, je vais prendre congé du coup. Est-ce qu'il y a un Donc, tu dernier truc à... retournes dans la caravane, Ouais. donc tu peux. Tu peux aller te. Ah tiens, ouais. Je pense que je vais rajouter un choix là. Arriver à Noirmont. C'était quel truc? Un petit instant là, je corrige un truc à la volée. Mais bon, grosso modo, là, du coup, tu peux aller voir les gitans ou tu peux. Non, bah le dernier truc que j'ai pas fait, c'est-à-dire... Arriver à, tu peux arriver, entre guillemets, arriver à Noirmont ou. Bon, enfin, arriver, retourner dans Noirmont, quoi. Aussi. D'accord. Il y a toujours l'option profiter qu'elle part pour aller fouiller la caravane. Ah ben en fait, si tu. Oui, si tu. Comment? Si tu. Si tu choisis d'arriver à Normont, tu vas la retrouver, ouais. Ok, ouais, bah du coup je fais ça pour savoir qu'est-ce qui se traficote quand même. Maintenant que je sais que tout le monde traficote quelque chose, je veux savoir quoi. Je note un truc important. Ok, donc tu vas fouiller sa caravane en son absence. Bah, en fait, grosso modo, dans sa caravane, il y a surtout, comment, y a surtout le coffre. Il semble facile à crocheter, en fait. Et du coup, est-ce que tu crochettes le coffre? Ouais. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. Tu arrives à crocheter le coffre et tu réalises qu'il contient un masque d'or. Donc c'est un masque entièrement fait en or, quoi. Il a l'air évidemment extrêmement précieux, cher, et il semble dégager aussi une forme de magie. Est-ce que tu attends le retour de la taromancienne pour lui dire qu'elle devrait mieux protéger ses affaires? Est-ce que tu voles le masque? Ou est-ce que tu le laisses là, mais sans rien dire à la taromancienne? Alors le volet, non, je suis pas tenté, mais alors... Ah, allez, je lui dis... Je reste là pour lui dire qu'il faudra qu'elle protège mieux ses affaires. De toute façon, même si ça se passe mal, je compte partir et ne pas rester dans la caravane, donc... voilà. Okay. Ça va le faire. Du coup, je vais rajouter une option, tu sais, dans le hub de la caravane, je vais rajouter l'option qui est de quitter Noirmont, en fait. D'accord. Ah, mais alors, attends. Que je vais me rajouter carrément une autre option. Repartir de Noirmont avec la caravane. Et puis, il y aura aussi l'option quitter la caravane avec trouver. Parce que si tu veux quitter la caravane avec trouver, que tu sois pas obligé de refaire tout le chemin, quoi. Tout le chemin pour Parce que si en fait si tu veux dé si je veux te redébloquer le paragraphe où tu quittes la caravane avec Trouvé, en fait il ouais, faut que tu faut refasses toutes les interactions avec Trouvé quoi pour arriver jusque-là. Donc là ah, du coup je l'ai rajouté quoi. ouais, si au bout d'un moment tu te dis ouais, non, la caravane est shady quand même. Ouais. Impeccable. Donc du coup alors tu discutes avec la taromancienne. Elle te dit, bah merci de m'avoir signalé ce problème de sécurité et de t'être soustraite à la visite que génère ce masque. Tu montes de plus en plus dans mon estime. Cool. Ah, tu t'en sors bien. Eh, dis donc, sinon votre second, il fait du trafic. Oui, bon, je suis au courant. Tu mets merci de me le dire. Hein. Ok. J'ai essayé de voler votre masque. Faudrait quand même protéger. Ah bah merci. C'est très bien, très bien. Merci beaucoup. Tu peux retourner tes occupations. Attends, j'ai mis vermillon. Tu peux lui proposer une amitié ou tu peux lui proposer une romance. Non, je vais faire comme le coup d'avant. Je vais rien proposer. Ok. Donc tu retournes à tes J'ai vu bien. occupations. Donc, parmi les options que t'as pas explorées, tu peux retourner visiter la ville, parce que je crois que t'as pas tout visité. Ouais, j'ai pas visité le quartier rouge. Et puis tu peux faire d'autres activités dans la caravane. Ah, oui, il y a le faire d'autres activités. Oui, j'ai pas été le voir du tout. Oui. Clic. Donc du coup, quand tu cliques là-dessus, parmi les options que t'as pas explorées, tu peux encore te mêler aux gitans. Tu peux repartir de quitter la caravane avec Trouvé ou repartir de Noirmont avec la caravane. La première, du coup. Se Alors mêler aux les gitans. gitans sont ouais super donc tu vas un petit peu passer du temps avec les gitans. Les gitans sont pauvres, faméliques mais heureux. Tu vois, ils jouent de la musique, ils chantent et ils affrontent la fatalité avec avec fierté. Alors quand je dis c'est famélique, voilà, hein, c'est grosso modo, ils se nourrissent de ils se nourrissent de semelles, enfin de ce qu'ils peuvent trouver, quoi. Toi-même, tu n'as pas encore très faim, mais ça pourrait venir. Et là, tu as deux activités parmi les gitans qui sont possibles. Tu peux participer à un concours d'éloquence. Et donc il y a une seule participation possible, et la mise est de un objet, un caps ou une anecdote. Ouais, je pense que je vais passer mon tour. Tu peux te mettre en quête de bouffe. Je vais peut-être me mettre en quête de bouffe, on sait jamais. Normalement, j'ai de quoi. J'ai de quoi tenir, mais... Tu musardes, bah oui, surtout que t'as survivalisme. Oui, mais... Sait-on jamais. Ok, ouais, donc du coup, tu musardes en fait parmi les gitans à la recherche de nourriture. Et en fait, il y a une enfant gitan qui est, ma foi, assez maigre. Hein. Tu vois, elle a les joues creusées. Et en fait, elle te propose sa ration. Ouais, elle te la donne en fait. Mais non! Est-ce que tu acceptes ou est-ce que tu refuses? Ben non, mais garde-la à manger, je voulais. Mais non, je suis bête. Bon, bah écoute, elle garde sa nourriture, au moins elle mangera aujourd'hui. Mais genre, mais dans quel monde on vit pour qu'elle donne sa bouffe? C'est généreux, c'est tout. Arrête de donner ta bouffe si tu as faim. Je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais. Ouais, enfin, du coup, toute la caravane s'est faite, donc du coup, tout ce que tu peux faire, c'est stationner à Noirmont ou quitter la caravane, quoi. Tu peux stationner à Noirmont, quitter la caravane avec Trouvé, repartir de Noirmont avec la caravane, c'est-à-dire que la caravane se déplace, quoi, ouais, avec toi dedans. Il y a quitté pour aller en la caravane pour aller en forêt pour soigner la maladie, donc c'est bon, je me suis suffisamment baladé. Hein. Il y a encore le quartier rouge, mais je suis pas. Ah oui, alors. Ah oui, bah attends, je pense que je vais te mettre l'option là pour que tu sois pas obligé de. Je vais rajouter cette option là. Aller en forêt. Trouver un remède à la maladie, je vais le mettre là aussi, et c'est on va le mettre où c'est ça. En fait, si tu vas en forêt avec Trouver, c'est pas la même destination. Ouais, d'accord. Donc il y a deux destinations forestières depuis ce hub là. Oui, non, allez en forêt pour chercher un soin à la maladie. Ok. Ils m'ont l'air totalement shady, ces gitans, mais... Ouais, du coup, ça veut dire que c'est sans trouver, quoi. Oui, sans trouver. Normal, non, je... Ils ont l'air shady, les gitans, mais j'ai pas vu de trucs atroces, quoi. Y a pas des enfants morts dans le coffre de la gitane. Non, du tout. Il y a un masque chelou, alors là, qu'est-ce qu'elle fait avec ? Ça a l'air magique. Alors. Donc, voilà, tu vas prendre un peu d'air. Tu vas. Ah, c'est là. Ah, mais oui, ah, super, on n'a encore jamais fait ça. Tu t'es dans une. Tu t'aventures en forêt. C'est une grande. En fait, c'est assez escarpé. C'est une grande forêt de sapins. C'est humide. Il y a de l'eau qui dégoutte de partout. Puis on entend tout le temps des bruits bizarres qui viennent au loin, une espèce de ululement, quoi. Et il fait un froid de canard, quoi. Et donc, là, le paragraphe, en fait, te demande si tu as un sixième sens qui permettrait d'avoir une info en plus. En l'occurrence, tu l'as pas. Ce qui n'est pas le cas. Du coup, tu rencontres... rencontre un renard en fait, et il a un petit côté rigolo, tu vois. Il louche, ça lui donne un petit côté marrant, et puis ouais, c'est vrai qu'il est assez fun quoi. Il te tourne un peu autour, tu vois, en se cachant, c'est genre comme s'il jouait à cache-cache. Tu vois, il se cache derrière un arbre, puis il repointe sa tête, tout ça. Il essaie, il imite des autres animaux en jappant. Et donc là, tu as plusieurs choix. Tu peux buter, tu peux le laisser D'accord. approcher, ou tu peux l'envoyer paître. Tu balances tes cailloux, quoi, dégage, quoi. Alors le buter, le laisser approcher ou l'envoyer paître. Ouais. Alors, bon, on est en forêt, tout est chelou, les renards c'est méchant. Je suis à peu près sûr d'avoir déjà entendu que dans cet univers, les renards c'est méchant. Mais on va laisser s'approcher. Du coup, en fait, tu vois, le renard te suit un petit peu et tout. Et J'ai deux chiens avec moi. ouais. Il te fait une blague assez rigolote. Comment? C'est QO3. Attends, je vais regarder un truc, mais. Je crois que j'ai une question à te poser. Je crois que la question c'est quoi la blague qu'il te fait en fait? Rigolote. Moi je dis, il se pose, tu vois, il se pose sur mon épaule et il fait limite le cri d'une chouette. C'est rigolo. En tout cas, je trouve ça rigolo, moi là, comme ça. Non. Impeccable. Ok, donc du coup tu peux, t'as le choix de continuer la route avec lui, quoi, tu peux lui donner un nom et le mettre dans ton inventaire, ou alors tu peux essayer de comment le distancier, enfin en fait d'essayer de le semer discrètement, quoi. D'accord. Non, mais je persiste dans mon dans ce qui sera un mauvais choix, je pense, un jour. Alors donc du coup, Lichen, boule de neige. Je vais l'appeler Chouette. Voilà. Ok, impeccable. Chouette le renard. J'ai trois canidés avec moi. Impeccable. Ouais. Donc du coup, à ce moment-là... Comment? Comment? Tu peux continuer ton chemin tranquillement avec le renard ou utiliser la discipline orientation. Que Je l'avais pas pris, pris. l'orientation, je Non, crois tu l'as pas. pas pris. Tu l'as pas pris. Donc du coup, tu continues ton chemin tranquillement avec le renard et guidé en fait par le renard. C'est le renard qui te montre un peu le chemin. Et en fait, tu tombes dans une fosse à pieux. Tu Beaucoup moins perds. marrant. Ouais, tu perds 3 points de trip. Et en fait, il y a le renard qui est au-dessus de la fosse à pieux qui te regarde comme ça et il imite le cri de la chouette. Pour se foutre de ta gueule. Et il se barre. En fait, c'est un renard farceur, quoi. T'es tombé sur un renard farceur et il t'a fait une bonne blague, quoi. Bonne blague. Elle était très drôle. Bon bah écoute, hein. C'était Voilà, c'est ça. Après, je te rappelle que tu peux claquer des points de rogne pour retourner un D'ailleurs. paragraphe plus tôt, quoi. Ouais, d'un point de vue technique, du coup, ça voudrait dire que si je prends un point de rogne, ça me ramène au moment où j'ai encore le choix de lui dire dégager, c'est ça? Non, ça te ramène au moment où où soit tu le suis, soit tu prends orientation, soit tu essayes de le semer discrètement en faisant un jet de D'accord. rogne. Ouais, Ouais, alors ceci dit, je suis en train de me dire, là c'est purement stratégique, de la run j'en ai pas des masses, des trips j'en ai plutôt pas mal, alors je vais assumer la perte de 3 points de trip. Impeccable. Donc, tes aventures continuent dans cette forêt, cette forêt luxuriante. J'ai perdu un de canidés. Ouais, c'est pas grave. Tu tombes, en fait, comment tu trouves un arbre qui est comment qui est vraiment au niveau du tronc, il est vraiment dégueulasse, il est couvert de chiures, de tu sais pas quoi, d'animaux quoi, et puis il a des protubérances hyper moches quoi. Et en fait, plus ça monte et plus c'est comment ses ramures sont majestueuses, symétriques et tout, et moins il est, enfin plus l'écorce est nette et propre, sans lichen, sans champignons dégueulasses. Est-ce que tu montes en haut de cet arbre? Survivalisme, je pense que c'est un truc qui aide là-dedans. Non, ça va être utilisation. À mon avis, ça. Je te pro ça t'est pas proposé d'utiliser survivalisme. On te Ouais, demande non. juste si tu montes dans l'arbre. Non, mais là, je te donne la réflexion à haute voix que j'ai parce que je me dis c'est peut-être survivalisme, mais en fait, non, c'est sans doute juste que ça va me coûter des points de physique que j'ai pas dépensé depuis le début. Alors, ouais, je vais monter dans l'arbre. Ok. Bah en fait, en haut de l'arbre, tu vas trouver des comment des grosses des grosses cocottes quoi. Des grosses cocottes, genre des poules. Non, enfin des fruits en fait, espèce de fruits Ah assez d'accord. ligneux quoi. Et du coup, ça constitue un repas quoi. Donc tu peux rajouter ça dans ton inventaire quoi. Ok, un repas. Alors, je vais peut-être préciser donc dans les trocs. Alors toi, en fait, t'en as un peu rien à faire des repas quoi, comme t'as Ouais, parce que j'ai survivalisme. perdu. Mais ça peut servir aussi pour du troc en fait. Finalement, quand tu peux donner quand on te demande un objet, tu peux filer un repas quoi. C'est ça. C'est du coup au contraire, c'est loin d'être inintéressant quoi, c'est l'équivalent de 5 de thunes. Enfin, c'est l'équivalent d'un échange quoi. C'est ça, ouais. Ensuite, tu retombes sur un chemin qui permet d'aller à Noirmont. Il y a un panneau, tu vois. Ou alors, tu peux continuer sur ton chemin initial ou repartir vers Noirmont. Non, je vais pas retourner vers Marmont, je continue sur le Ok. chemin initial, avant que le renard ne me fasse une bonne blague. Donc, au bout d'un moment, la nuit est tombée. Et tu tombes, tu vois, à flanc de volcan, tu tombes sur un lac, tout embrumé. Il fait froid, ton souffle fait un panache dans l'air. L'eau, toi, ça fait longtemps que tu t'es pas abreuvé, en fait, faute d'avoir trouvé une source d'eau potable, tu vois, fiable, quoi. Donc, tu as la gorge vraiment sèche et l'eau du lac a l'air particulièrement claire, quoi. Alors, t'as plusieurs possibilités. Tu peux utiliser sixième sens, donc ça c'est mort pour toi. Tu peux aussi utiliser camouflage pour t'approcher du lac sans être vu. Du coup, je Ou vais tu utiliser. peux t'abreuver directement au lac. Ou alors tu peux ignorer le lac et puis partir plus loin. Non, je vais m'approcher discrètement du lac. Okay. Je vais Et en toujours. fait, tu t'approches sans être vu, et du coup, à un moment, sortant des brumes, tu as une vision d'horreur, quoi. Tu vois en fait sortir une créature gigantesque, colossale. On dirait une sorte de bélier, mais mort-vivant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, il y a quasiment plus que son squelette, et puis avec quelques lambeaux de chair qui pendent encore, quoi. C'est tout, quoi. Il dégage une puissante odeur de mort, il y a comment des colonies entières d'insectes qui grouillent sur sa carcasse, et il est il a des immenses cornes couvertes de lianes, et en fait cette créature s'abreuve au lac lentement, sans faire aucun bruit. Et donc cette Là, en fait, le jeu te demande si t'es. En fait, là, tu perds 4 points de trip, sauf si t'étais increvable, ce qui n'est pas le cas. Points de trip, en fait, à cause de la vision d'horreur, quoi. D'accord. Et donc là, comme possibilité, tu as fuir tant que tu le peux encore, ou essayer de parler à cette créature via la langue putride. C'est une option beaucoup trop intéressante pour ne pas la prendre. On va essayer de Ok. lui parler via la langue putride. En fait, ce monstre te donne sa bénédiction putride, et tu sens en fait comment tu sens tes cellules se régénérer littéralement quoi, grâce à une force nécromantique. Et du coup, tu récupères 6 points de trip. Ah, bon, ouais. C'était... ça fait perdre 5 de le voir. 4, ça fait faire 4 de le voir, et si, comme tu as décidé de lui parler, tu en récupères 6, donc finalement tu es gagnante. Je gagne 2-2. Par contre, j'avais déjà. Donc je suis à moins 3 si j'ai bien compté, je suis à moins 3. Avec tous les zgui J'avoue gluglui. que je te fais confiance parce que j'ai pas du tout Parfait. tenu compte pour toi, quoi. Pas de soucis. Non, mais si c'est, j'étais à moins 3, je me suis. Moins 4, pardon. Moins 4, parce que j'étais à moins 3, je suis tombé dans un trou. J'ai vu l'horreur. Et là, ça va mieux. Ça va, Anthrax, dans cette version-là, a beaucoup de tripes. Yes. Alors, suis donc ton chemin. Alors, c'est. Tout va bien pour le moment? C'est nickel, ça va très très bien pour moi. Ça va pour toi de ton côté aussi? Ouais, ça va. C'est pas mal, on avance bien. Donc, tu continues dans cette forêt obscure et sombre, et tu finis par rencontrer une femme qui s'appelle Charline. Elle porte sur le visage un demi-masque en bois, donc c'est en fait un masque qui couvre que la partie droite de son visage. C'est typiquement le genre de masque qui cache une mutilation. Et elle a plein de potions sur elle. Là, je te pose une question, c'est en quoi Charline t'inspire-t-elle la confiance? Techniquement, quand je regarde ses potions, ses habits ou autres, je vois quelqu'un de près qui a l'air de s'y connaître un peu, et pas qui, enfin, qui a pas l'air d'être, enfin, comme ça en tout cas, j'ai pas l'impression qu'elle est, qu'elle cherche les problèmes, quoi. Au vu des affaires qu'elle a sur elle, elle est capable, elle a de quoi s'en sortir un peu, mais c'est pas comme si elle avait un flingue, un couteau. Des choses dans ce goût-là. Suite à ça, en fait, elle te demande, en fait, elle t'explique que, mine de rien, voyager seul en forêt, c'est fort dangereux. Elle a déjà échappé à un ours. Et donc, en fait, tu sembles quand même quelqu'un de costaud. Elle demande à se placer sous ta protection. Elle précise par ailleurs que elle comprend que ce serait pas elle comprend que tu t'as pas à faire ça gratuitement et donc t'offrerait une potion de guérison si tu acceptes de la prendre sous son aile. La question c'est, est-ce que c'est la personne qui porte poisse? Est-ce que c'est la personne qui a un double visage ou Ok, donc tu es donc avec Charline qui te propose de la prendre sous sa protection en échange d'une potion gratuite. Est-ce que tu dis oui ou non? Je dis oui, mais tout ceci me semble beaucoup trop beaucoup trop avantageux. Donc je m'attends à ce que ça me Ok. retombe dessus plus tard. Très bien. Donc elle te file une potion en disant c'est vraiment bien normal quoi. Tu peux la. Alors en fait la potion, grosso modo, ça donne un code de paragraphe que tu peux consulter dès que tu décides de boire la potion. C'est-à-dire que tu peux la boire maintenant ou après quoi. D'accord. Oui, bah non, ce sera plus tard du coup. Ok, bon, note potion de Charline dans ton inventaire. Elle a dit que c'était une potion de soin, donc c'est au moment de la boire que tu dis le paragraphe, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, donc elle a dit que c'était une potion de soin, on attendra d'être Exactement, oui, t'attendras d'être un peu plus mal en point, blessé ou mal en point, peu importe. là. Tout à Et fait. on aura peut-être une mauvaise surprise à ce moment-là, mais. Ok. Du coup, vous continuez le périple ensemble, et le climat devient vraiment bizarre, en fait. Vous êtes sous le coup d'une tempête de bruit. Donc, t'as l'espèce de grésillement, de larcène, de chuintement, de bourdon, en fait, qui commence à envahir la forêt de partout. Ça résonne dans tous les sens. C'est vraiment très chelou, quoi. Et sous l'influence de ce climat aussi, ça attaque ta mémoire. Et donc, du coup, question ouverte. Qu'est-ce que tu oublies? Question ouverte, donc je peux très bien choisir. Alors, la question ouverte, c'est. Oui, la question ouverte, de toute façon, Réponds ce que tu veux, quoi. je réponds littéralement ce que je veux. C'est amusant parce que j'ai l'impression que si je dis quelque chose qui était une mauvaise expérience, c'est un peu triché. Alors que non, c'est totalement le règle. Mais je pense que je vais quand même plutôt dire que ça va être quelque chose en lien avec la caravane, parce que c'est des souvenirs récents. Et je pense que je vais oublier le visage de trouver. Je serai incapable de me le remémorer. Je sais que quelqu'un, tu vois, je sais que quelqu'un m'a soigné. Mais je saurais plus le reconnaître. C'est un peu dramatique parce qu'a priori je l'avais déjà connu dans une ancienne vie, alors je re-oublie trouver. Ok, super. Eh bien, suite à ça, vous poursuivez votre chemin et vous faites une rencontre. Vous rencontrez trois personnes qui ont l'air d'être relativement bien équipées, mais par contre ils sont en piteux état, quoi, sales, malades, sinon blessés, en tout cas fatigués. Alors les trois personnes, c'est le vieux. Donc tu lui D'accord. donnerais entre 50 et 70 ans, quoi, mais il est plutôt bien conservé, tu vois, il a l'air robuste encore, quoi. Il porte un comment? Il a une mitraillette, une Kalachnikov. Ok, il blague pas. Et sur comment tu, sur, sur en bandoulière, en fait, sur sa il a une cartouchière, en fait. Dans sa cartouchière, il n'y a plus que 7 munitions. D'accord. Il chique, tout comme toi. Je crois que toi tu peux plus chiquer, il me semble que tu as perdu ton tabac chiqué. Ouais, je l'ai échangé contre un husky. Ouais, tout à fait, ouais. Mais tu peux pas chiquer Watch me trying. Non, t'es mieux ça. voilà, il a l'air assez roublard, quoi. Hein, genre, les gars à qui on a fait pas, quoi. Il y a aussi une femme qui s'appelle Marie, qui a l'air de se trimballer surtout les ustensiles de cuisine de l'équipe, quoi. Elle est relativement belle, quoi, mais par contre dans un état de saleté intégrale, quoi. Enfin, hein, puis sans doute malade. Enfin, elle est quand même pas dans de très bon état, quoi. elle a une attitude un peu particulière, c'est-à-dire que à la fois elle se planque derrière les deux autres, tu vois, en mode farouche, Ouais. et en même temps, tu sens qu'elle te regarde avec une certaine intensité, comme si elle était contente de te voir, quoi. D'accord. Et il y a une troisième personne, c'est le salopard. Alors, dès qu'il se présente, le vieux précise que c'est juste un sobriquet affectueux. Mais c'est Ouais. vrai qu'il a un peu. Enfin, c'est pas bien de faire du faciès, mais comme il a un peu la tête de l'emploi, quoi. On dirait un vieux un clodo, tu vois, mais genre le clodo mauvais, quoi. Hein. Il lui manque pas mal de dents, il a des grosses ratiches qui dépassent et tout. Il a des yeux, tu sais, un peu hallucinés qui te fixent, c'est super, super, avec insistance, quoi. Il a une hygiène corporelle absolument douteuse, quoi. Et cette personne est également équipée d'un fusil, quoi. Donc ils sont quand même très armés. Et Marie, en fait, fait une proposition. Elle propose que vous joigniez à eux pour le bivouac, en fait. Elle arrive à surmonter sa timidité pour ça, quoi. Et donc, lors de ce bivouac nocturne, ponctué par les cris des oiseaux et les jappements de quelques créatures, quoi, en fait, ils vous partagent le peu qu'ils ont. C'est-à-dire, c'est surtout des racines. Ça permet juste de calmer la soif. Hein, clairement, c'est pas rassasiant, quoi. Tuc-tuc-tuc. Alors ensuite, le jeu te demande si tu es increvable ou non. Donc, c'est non. En l'occurrence, tu n'es pas increvable. Donc là, en fait, il y a le concert entre eux, les trois, et puis ils finissent par vous proposer de faire la route avec eux, en fait, parce que clairement on n'est jamais trop prudent, quoi. Et donc à 5, on est plus en sécurité qu'à 3, quoi. Et à ce moment-là, en fait, avant que tu aies pu donner une réponse, il y a Charline qui demande à discuter un peu avec toi à part, quoi. Elle te dit moi, je les sens pas. Franchement, ces gens-là, je ne les sens pas. Et donc, je te propose autre chose, en fait. Je te propose qu'on continue tous les deux notre chemin. Je sais que tu souffres de la sève encre, et moi, j'ai beaucoup à t'offrir. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'on peut trouver un remède à ta maladie et je vais m'y employer, quoi. Donc, moi, je te propose qu'on continue tous les deux. Et in fine, l'objectif, c'est de trouver un remède à ta sève encre. Par contre, bon, tu sais que je suis une commerçante, donc je peux pas décemment en fait te proposer ça gratuitement. Donc du coup, objet. Super chelou, parce que depuis quand t'as ratissé, c'est bizarre que tu l'aies pas chopé. Bon, bref. J'ai raté quelque chose. J'ai pas fait le quartier rouge. C'est peut-être là que. Ah, ouais, peut-être, ouais. Elle te propose. Comment? Donc, elle te propose différents prix à payer. Si tu acceptes, c'est à toi de choisir, quoi. Elle te propose. Alors, elle te demande un objet, mais en l'occurrence, tu l'as pas, parce que tu n'as pas trouvé cet objet. Sinon, elle peut aussi te demander du sang, parce que ton ADN l'intéresse, donc ça te coûterait 4 points de trip. Elle peut D'accord. te. Tout des caps, on va mettre 50. Des 50 caps, mais tu n'as pas de caps. Hein. Et elle peut aussi te demander un souvenir, mais pas n'importe quel souvenir, c'est en l'occurrence le souvenir de ta quête de vie. Elle commence à devenir fichie, en fait. Commence Donc, à devenir. est-ce que tu la payes, est-ce que tu pars avec elle et du coup, il faudrait que tu la payes avec un des trucs que j'ai listé, ou est-ce que tu préfères dès qu'il plutôt rester avec les trois autres? Ouais, non, non, non, c'est... Ça semble vraiment fichy, donc, ces propositions. D'autant plus que ma quête... Alors bon, là, c'est pas de bol, mais de toute façon, ma quête de... En fait, ce qui fait que ça semble fichy, c'est aussi moi. Parce que ma quête de vie, j'ai choisi de soigner la maladie. Et elle me dit... En gros, du coup, ça fait que c'est... si tu oublies que tu veux soigner ta maladie, je t'aide à la soigner. Ouais, c'est un peu le hasard, mais bon, Ouais, il pensera pour toi, en fait. c'est un peu à hasard. Et du coup, pour moi, ça fait que... Ouais, non, clairement, elle m'a l'air louche. Ouais, très bien, ouais. Non, non, écoute. Oh, mince, j'ai oublié un truc important. Bon, je te redire, remarque, à la rigueur, ça peut arriver maintenant. En fait, normalement, avant la rencontre ça devait arriver avant la rencontre des trois autres. D'accord. C'est que donc tu m'avais expliqué en quoi elle t'inspirait la confiance. Je sais plus c'était en quoi d'ailleurs. Elle avait pas l'air très armée particulièrement. Puis, Son équipement a pas l'air d'être l'équipement de quelqu'un qui cherche les emmerdes, quoi. ouais. En fait, il y a eu une situation en fait où elle s'est comportée d'une façon qui a prouvé cet a priori que tu avais positif que tu avais sur elle. D'accord. Ah, c'était pour le coup, ça peut changer un peu. Bon, j'aurais mieux fait te le dire avant. J'ai en fait mon œil a glissé quoi dessus, mais. Non, pas de souci. Attends, je suis en train de reprendre en compte. Déjà, bah, dis-moi, à ton avis, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire Bah, il y a un dans le moment sens où, de ce qui t'inspire la confiance, tu vois, quoi. sur le chemin qu'on pouvait prendre, il y avait des chemins qui étaient potentiellement un peu dangereux ou quoi que ce soit. Elle a préféré prendre les routes les moins dangereuses, tu vois. Se dire non, on prend un peu plus de temps, non, machin. Toi, de manière précautionneuse plutôt que. Ouais. Impeccable. Alors, est-ce que ça influe sur ta décision de la suivre ou pas? Ça pourrait influer, hein. Pas d'un point de vue game design, j'ai envie de dire. D'un point de vue de personnel, quoi. C'est, de toute façon, s'il y a des questions ouvertes, c'est bien parce que ta Ouais. sensibilité, j'en appelle à ta sensibilité, en fait. Parce que ça rajoute. Ah, tant pis, allez, je vais lui donner un peu de sang. Je sens que je le regretterai un jour, mais Ok. je saute dans ce piège à pieds joints. Voilà. Y a pas de mauvais choix hein, pour moi si tu fais ce que tu veux quoi. Oui, je sais, je sais. Ok. Non, mais c'est ma manière de dire, j'assume les conséquences. Ok, ça roule. Impeccable. Donc du coup, tu perds 4 points de trip. C'est noté. Vous reprenez la route ben, tout seul, hein, vous laissez les trois autres là où ils sont. Et il se produit à nouveau une scène. Plus tard, quoi, qui te rappelle à quel point Charline t'inspire la confiance, en fait. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je suis en train de réfléchir. Je pense qu'il y a un moment, c'est moi qui suis dans la merde, tu sais, d'une manière ou d'une autre. Et avant même que j'aie eu le temps de m'en rendre compte, elle est déjà intervenue pour me filer un coup pour m'aider, tu vois. Ouais, très bien. Suite à ça, bon, tu continues. Il y a un moment, en fait, comment vous marchez, puis elle marche devant toi. Tu tournes, elle te tourne le dos, quoi. Et puis, c'est vrai quand même qu'elle est pleine de stuff et tout. Tu vois, avec toutes ces potions et tout, ça pourrait être tentant de faire plusieurs trucs, en fait. Donc, la question qui est posée, qui t'est posée, c'est est-ce que tu peux en fait tu peux l'envoûter, mais en l'occurrence t'as pas envoûtement donc tu pourras pas le faire. Tu peux l'attaquer dans le dos ou tu peux non non continuer la route sans rien faire de tout ça. Non, et par contre, vu comment le jeu s'est présenté, je suis en train de me dire que d'un point de vue, je commence à voir ce qui est en train de se jouer. Ok, je suis un peu dans la merde. Non, non, non, je continue. Je continue vers ma perte. ou pas, je ne sais pas, peut-être que je me méfie trop. Ok. Donc là, à ce moment-là, le jeu te demande si tu lui as raconté ta quête de vie, c'est pour payer ton passage. Donc, bah, c'est non. Non. Et du coup, le jeu te demande si à l'occasion d'un bivouac, tu lui confies ta quête de vie. Mais alors, du coup, c'est pas cette fois-ci, c'est pas une transaction, donc tu la perdrais pas. C'est juste, tu racontes ta vie, quoi. Bah ça ouais je vais le faire je pense. Mais du Ouais, coup je la donc perds pas donc. ouais, t'expliques que ta quête de vie, c'est vraiment guérir la Sèvancre et tout. Et en fait, Charline dit, t'es quelqu'un qui m'impressionne vraiment beaucoup. Je t'avoue que, tu vois, à force de te côtoyer, cette quête de vie, j'ai envie de la faire mienne, quoi. Enfin, en fait, ta quête de vie est vraiment importante pour moi, quoi. Et je te promets, Anthrax, je te promets que tu vas vivre, en fait, pour voir l'accomplissement de ça, quoi. Et en tout cas, je vais m'employer à t'aider, quoi. D'accord. Suite. Je suis en train de me dire que je vois ce qui est fichu. Je suis quasiment convaincu. J'avais pas pensé au tout début, mais elle utilise de l'envoûtement. Je crois qu'elle t'envoûte. Ouais, je commence à me dire que c'est par là que le jeu va. Je le sais Tout pas, je te donne mes réactions à fait, ouais, en non, live, hein. c'est très, ouais, c'est intéressant, ouais, tout à fait, de voir ce que tu penses de la situation. Ouais. C'est un petit peu au vu de comment c'est dit certains trucs, au vu de machin, je fais. Ah. Et donc, vous poursuivez votre périple dans la forêt et. Ça fait longtemps que la forêt s'était pas montrée dangereuse et c'est justement ce qui arrive, quoi. Charline se fait attaquer en fait par une nuée de chauves-oublies, donc c'est des chauves-souris vampires en fait qui sucent les souvenirs des gens, quoi. Donc là, tu as plusieurs options. Tu peux dire, écoute, chacun sa merde, puis tu laisses Charline se débrouiller avec les chauves-oublies. Tu peux les combattre, ou tu peux carrément en fait t'exposer à la place de Charline et donc en fait te faire absorber des souvenirs à sa place, quoi. Je vais les combattre parce que bon, le personnage devrait plutôt partir dans cette direction-là en théorie. Ok. Eh bien, je crois qu'on est sur la première baston de la partie. Oui, effectivement. Donc, en fait, les chauves-oublies, elles ont 7 en air. Ouais. En air, Ce qui fait. oui. Ouais, donc elles ont moins que toi. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que tu vas avoir le dessus sur elles. Et elles ont 5 en trip. Comment D'accord. fonctionne le système de combat? Si tu combats à l'épée, c'est relativement simple. Tu jettes 2 d6, et en fait, comme t'es supérieur en combat à elles, elles vont se prendre le plus gros dé de dégâts, et toi, tu te prendras le plus petit. Donc, en fait, faut quand même savoir que quand il y a un combat, tu vas forcément perdre des points de trip. D'accord. Ouais, OK. Alors ensuite, tu peux un petit peu twister le combat, puis tu as plusieurs options. Tu peux claquer à chaque passe d'arme, tu peux claquer un point de rogne pour infliger un dégât de plus à l'adversaire ou pour en subir un de moins. D'accord. Tu peux aussi claquer des munitions, donc en fait pour tirer. D'accord, Tu ouais. peux claquer une munition lors de la première passe d'arme pour avoir l'initiative, c'est-à-dire qu'en fait tu te mets à tirer à distance et l'adversaire il sera pas arrivé sur toi avant la deuxième passe d'arme. Donc en fait, pendant cette première passe d'arme où tu tires, tu infliges des dégâts à l'adversaire, mais lui n'en prend pas. Lui ne t'en inflige pas. D'accord. Et tu peux, lors de la première passe d'armes ou plus tard, claquer des munitions excédentaires. En fait, chaque munition excédentaire, parce que tu sais, il y a un mode rafale, quoi, en gros. Chaque munition excédentaire inflige 1 d6 de dégâts en plus à l'adversaire. D'accord. Ça va à peu près, c'est l'aspect le plus crunchy du jeu, donc. Ok, je vois l'idée. Non, mais je vais claquer du coup effectivement une balle en fin de tir pour le premier tour, donc ça me fait 4 munitions. Sachant que les balles de dégâts supplémentaires, tu peux les claquer une fois que tu sais les premiers dégâts que tu as infligés, tu vois. Mettons que là, j'ai n'importe quoi, tu infliges 4 dégâts à la chauve-souris, tu diras, il n'y aura plus qu'un. Alors là, tu peux soit claquer un point de run pour en faire 5, les tuer, ou alors dire, maintenant, je vais claquer une munition, pour je jette un dé en plus. Mais tu vois, si tu avais fait 6 au premier tir, ça aurait été inutile de claquer une deuxième munition. Donc, tu t'attends de voir tes dégâts en fait pour claquer des munitions supplémentaires. C'est un système d'escalade en gros. Ok. Donc là, je lance 2d6. Normalement, si j'avais pas claqué la munition, je me prendrais le plus bas et elle se prendra le plus haut. Ouais, Vu que j'ai claqué une munition, prend 0 dégâts. Elle se prend juste le plus haut. Ok. C'est ça, exactement. Eh ben, ça fait un 2 et un 6. Donc, du coup. Ah, c'est parfait. Écoute, tu les ventiles proprement, quoi. Là, ça t'a pas fait de détails, quoi. Ça coûte une munition, c'était rentable. Ouais, tout à fait, carrément. Suite à cette péripétie, donc, t'as tous les remerciements de Charline. Hein. Elle dit, j'avais bien raison de te prendre en garde du corps, quoi. T'as clairement fait le job, quoi. Vous arrivez à Normont-Ferrand, parce que c'était son but. Du coup, on est. Vous retournez à Normont-Ferrand, du coup. Hein. Ouais. Il faut qu'on tourne beaucoup en rond dans les forêts. Et là, en fait, tu as plusieurs options. Tu peux, vaquer dans la ville, quoi. Ou tu peux, tu peux la suivre. Toujours en ville, en fait, elle veut t'amener dans un endroit où elle pense qu'on peut te guérir, quoi. On va la suivre. Okay. Allez. Et en fait, elle t'amène dans une fumerie d'opium jaune. Donc, t'as des gens, c'est un tout petit bâtiment, et t'as des gens en fait installés sur des couchettes superposées, tu vois, et qui fument du pavot jaune. Donc, t'as une espèce de fumée jaune de partout, quoi. Et en fait, ça sent. C'est une odeur particulière qu'on pourrait identifier comme une odeur de réminiscence, une odeur de souvenir, quoi. Donc, c'est une odeur assez, assez intéressante, en fait, hein, clairement. Et en fait, elle te tend une pipe d'opium jaune et elle te dit voilà, moi, je pense que l'opium jaune, ça pourrait vraiment être une bonne piste. J'ai réfléchi tout le trajet et je pense que c'est les principes actifs de l'opium jaune, en fait, vont combattre ta maladie et clairement la faire. Tu vas pouvoir entrer en résilience, quoi. Et donc, du coup, elle. Alors, à nouveau, elle te dit bon, moi, je suis pas. Tu sais que je suis pas. Je suis pas une philanthrope non plus, enfin, même si j'ai quand même beaucoup à cœur que tu guérisses, mais ce sera payant, hein, évidemment. Je suis sûr que tu trouveras un moyen de me financer au fur et à mesure, quoi. Mais l'opium jaune, c'est un remède qui est payant. Mais ceci dit, la première pipe, ça me paraît absolument normal que je te l'offre. D'accord. Est-ce que tu prends la pipe ou est-ce que tu déclines? Je continue de. J'ai choisi d'aller dans cette direction, je veux voir jusqu'où ça mène, même si c'est un mauvais choix. Allez, je prends la pipe. Ok. Alors, c'est vrai que quand tu prends cette pipe d'opium, déjà c'est assez ouf parce que tu replonges dans tes souvenirs, que tu revis des souvenirs que tu avais perdus, ou même tu as même la sensation qui est absolument folle, même des souvenirs que tu connais. T'imagines de pouvoir revenir dans un souvenir que tu connais comme si tu le revisitais à nouveau, quoi. C'est ouf, quoi. Et effectivement, tu sens carrément un mieux-être au niveau de la sève encre. T'as l'impression que la sève encre, ça la fait régresser, tout ça. Mais le problème, c'est que tu deviens toxico. Tu deviens toxico et en fait, tu finis l'aventure comme un déchet humain, en fait, complètement accro à l'opium jaune. Et donc, tu passes tout le temps que tu peux dans la fumerie, t'es amaigri, tu vois. Et puis, le reste du temps, tu fais tout un tas de larcins, de raquettes, enfin, tout un tas d'activités viles. Pour pouvoir payer l'opium jaune. Et donc, en fait, l'histoire se finit comme ça, en fait. C'est plus qu'une merde humaine, quoi. Qui, en fait, et que tu passes le clip clair de ton temps à te reprojeter dans ta quête de, dans ta quête de, dans tes souvenirs et aussi notamment dans ta quête de vie, dans tes souvenirs associés à ta quête de vie où tu te revois en fait, tu vois, essayant de trouver un remède à la sève encre et en fait tu te repasses toutes les étapes de la recherche de remède à l'infini dans ta tête, quoi. Et c'est comme ça que ça finit. D'accord, ok. Alors, sauf si, Sauf parce que là c'est si. clairement un bras mort, mais tu peux claquer un point de rogne pour revenir en arrière et refuser la pipe. Ouais, bah du coup, on va le faire. D'accord, ouais, ok. Les points de rogne permettent de ne pas. Faire Ok. tu fais du time travel quoi, tu retournes en arrière, ouais. Ouais, bah non, bah on va Ok, rollback. On va rollback fort demain, bien. on refuse la pipe, hein. Tu refuses la pipe. Du coup, tu peux vaquer en ville, ou tu peux retourner chercher, essayer de retourner en forêt à la recherche des trois là, du vieux, de Marie et du salopard. C'est ce que je vais faire du coup. C'était un mauvais choix. It was a bad decision. Alors attends. Un petit temps de chargement, hein, parce que là on arrive Pas de sur soucis. un truc que j'ai pas trop défini. En fait, tu te rebalades dans la forêt à la recherche de, à la recherche, ma foi, de comment. Des trois. À la recherche des trois. Et sur le chemin, en fait, il y a une fuine noire qui. Non, non, elle est blanche. Une fuine blanche, immaculée au contraire. Enfin, une hermine, carrément. Voilà. Une hermine d'or et blanche, là. C'est magnifique comme bestiole. Qui te suit à distance, en fait. Et jamais trop près pour que tu puisses la chasser. Et jamais trop loin pour perdre ta trace. Donc elle te suit partout. Et puis, il y a un moment, en fait, tu rencontres un ermite sur le bord du sentier qui demande qu'il a avec sa sabec. Il est tout maigre, tout barbu, tout ça. Il est avec sa sabec et il demande, en fait, l'aumône, tu vois. Et ce moment-là. Ah oui, c'est pas mal. À ce moment-là, en fait, comment? Tu sens que l'hermine essaye de prendre ton contrôle. Et Oula. en fait, elle se nourrit de ta violence. Et D'accord. sous le contrôle de l'hermine, tu vois, elle te fixe avec ses yeux qui deviennent rouges et tout. Et visiblement, elle se nourrit de ta rage et de ta violence. Et en fait, elle essaie de prendre ton contrôle pour te forcer à tuer le clochard, à tuer l'ermite. D'accord, donc j'étais tombé sur une hermine et plus tard je tombe sur. Ok, d'accord. Ben voilà, ouais, plus tard, tu tombes sur un ermite. Ah oui, hermine, ermite. Enfin, peut-être que c'est un truc L'hermine que et je viens l'ermite. d'improviser là entre guillemets parce que je sais juste que tu vas avoir une péripétie mais j'ai improvisé la péripétie. Bon, il faut peut-être que je trouve autre chose qu'une hermine parce que qu'un ermite, un clochard en pleine forêt, c'est un peu bizarre. Non, je vais garder l'ermite mais je vais mettre autre chose qu'une hermine. Bon, bref, je vais mettre. Ouais, bon, j'étais parti sur une fuine, on va rester sur une fuine. Hop. Donc concrètement, tu peux te dire bah après tout, tant pis quoi, et donc frapper l'ermite. Ou au contraire, tu peux essayer de résister à la fouine à son contrôle mental. Mais en fait, comment ça se passe pour résister au contrôle mental? Il faut faire un jet de dés sous nerf. Donc il faut faire inférieur ou égal à ton score de nerf. Et si tu rates, tu perds 3 points de trip. Et en fait, tu peux relancer jusqu'à réussir. Mais tu vois, à chaque échec, tu perds 3 points de trip. D'accord. C'est... Mais je lance un dé quoi, du coup? Tu lances 2d6 sous nerf. D'accord, ok. Donc, j'ai fait 6 et... J'ai pas perdu de nerf depuis le début. Non, bah, du coup, 6 sous 8. Donc tu résistes à l'envie d'éclater le crâne de l'ermite. D'un pauvre vieux qui m'avait rien demandé. Ça, ouais. Et donc la fouine n'aura pas sa nourriture aujourd'hui. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas très gentil de chasser comme ça, je tiens à le dire. Ah oui, ça pourrait être trop bon ça, effectivement. Ah oui, oui. Ah oui, parce que je disais que se nourrir de ta violence, mais en fait, je pense que c'est pas ça en fait. C'est pour se nourrir en fait. Elle te force à tuer à sa place, quoi. Ouais. Ouais. C'est beaucoup plus dégueulasse. C'est trop bon. Je pense qu'elle va carrément avoir sa place dans le bestiaire, quoi. Donc, heureusement, tu as réussi à résister. Donc, tu finis par retrouver quand même. Tu finis par les retrouver. Tac. Et en fait, ils te proposent d'aller à. Enfin, ils ont un gros périple à faire, quoi. Faut dire que t'as pas mal crapahuté pour les trouver, quoi. Et en fait, ils te proposent d'aller à Noirmont-Ferrand. Parce que c'est là où sont les ressources et les infos. Mais j'en viens. Tu peux refuser et repartir seul. Ou tu peux les accompagner. Ah non, je vais les accompagner, je les ai cherchés, donc. Okay. Alors, ils font pas mal de détours parce qu'en fait, ils évitent les routes les plus dangereuses, quoi. Et vous arrivez, en fait, comment vous arrivez dans un. La nuit tombe, il pleut comme vache qui pisse. Enfin, le temps est ultra merdique. Ça ravine de la flotte partout. Ça vous transperce les os, ça traverse les vêtements. Enfin, c'est vraiment l'horreur, quoi. Ce temps chiasseux, quoi. Et vous, vous arrivez en fait devant une pancarte, donc ça commence à monter pas mal, hein. Vous êtes plutôt sur les hauteurs là, et vous arrivez devant une pancarte où c'est écrit dans une orthographe absolument déplorable: ici commence le domaine du diable. D'accord. Tu peux te dire oui, bah de toute façon c'est la route, ou tu peux éventuellement monter sur un arbre. Alors je précise que cet arbre a l'air vraiment sinistre, genre avec tes branches crochues, il sent la mort et tout, mais ces branches ont l'air d'être solides. D'accord. On va monter à l'arbre. Ok. Donc, depuis l'arbre, en fait, t'as une belle vue plombante, là, surplombante. Donc, tu vois déjà le ciel, en fait, le ciel de Millevaux, quoi, qui est absolument immonde, grumeleux, hyper chargé, une espèce de ciel de plomb, quoi, et qui... tu vois pas du tout le soleil, enfin, de toute façon, c'est là il pleut, on voit en fait des éclairs qui frappent au loin, une espèce de ciel assez apocalyptique, hein, clairement. Et tu vois aussi un manoir au milieu des arbres, donc clairement dans la direction que vous vous apprêtez à suivre. Donc c'est une espèce de vieux manoir, évidemment tout défoncé, hein. Et tu vois depuis une des tours, il y a une espèce de rayon laser qui dépasse, enfin un truc chelou, tu sais, avec des bobines, tout ça, enfin un truc un peu steampunk. Et ce qu'on voit aussi autour du manoir, c'est qu'il y a toute une série d'arbres éventrés, ça a l'air non pas d'arbres éventrés, d'arbres, tu sais, effondrés qui sont tombés, quoi. Ça forme des sortes de chemins, en fait, dans la forêt, quoi. Donc, suite à ça, malgré le temps qui est absolument immonde, vous êtes un peu obligé de bivouaquer. Là, le vieux, tu vois, il met en place des. Tu sais, avec. Tu prends des bouts de bois que tu mets droit, et puis d'autres que tu appuies dessus, ça fait un triangle, et tu vas poser une bâche dessus, donc ça permet de se protéger un minimum de la pluie, quoi. Donc, il y en a même. En fait, il en installe même plusieurs, donc vous avez En fait, ça fait plusieurs petits campements, quoi, en gros, quoi. Et donc, la question, c'est avec qui passes-tu du temps? Tu peux passer du temps avec le salopard, avec le vieux. Avec le Ouais, vieux. ou avec Marie. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Donc le décor, hein, du campement, c'est en fait là où vous êtes, il y a tout un amoncellement de cocottes de sapin, de cocottes de pin pourries, quoi. Et puis juste quand tu vois le vieux monter le camp, c'est surtout lui qui fait ça. Clairement, il a l'air vraiment ce qu'il est, quoi. Il sait vraiment ce qu'il fait, quoi. Et malgré sa boiterie, il s'en sort très bien. Il monte le camp en 2-2, quoi. Un truc hyper costaud, fonctionnel, tout ce qu'il faut, quoi. Donc, est-ce que tu passes du temps avec le vieux, le salopard ou Marie? On va aller voir le salopard. J'ai juste envie de savoir s'il porte son nom ou pas. Ouais. Très bien. Et ben en fait là, tu passes du temps avec le salopard et il t'est proposé, si tu veux, tu peux lui proposer une amitié ou une romance. Je sais toujours pas plus sur lui, alors je sais pas. Petite romance avec le salopard. Tac, Non, bah non, rien. Je connais rien de cette personne encore, donc. Très bien. Bon, bah du coup, en fait, tu as utilisé le temps du bivouac. Donc, tu n'auras pas le temps, tu ne pourras pas passer du temps avec les autres. Tant pis. Tac. À ce moment-là, comment? Comment, il y a le vieux qui vous dit de venir voir tout ça, donc vous allez tous le voir. Et en fait, il a suivi des couinements qu'il a entendus. Et en fait, vous découvrez un marcalou. En fait, un marcalou, c'est un mélange entre un marcassin et un louveteau. Tu vois un marcassin? D'accord, oui, je vois. Imagine un marcassin avec une tête de louveteau au lieu d'une tête de marcassin. Donc c'est une créature hybride et c'est vraiment d'une grosse taille en fait, grosso modo, il a pour ainsi dire la taille d'un sanglier adulte, quoi. D'accord. En fait, cette bête est prisonnière d'un piège à loup, quoi. Donc elle a une patte cassée, elle couine, elle appelle à l'aide. Entre guillemets, ça a l'air, enfin pour le vieux, ça a l'air de plutôt bien tomber, dans le sens où tout le monde a très faim, d'ailleurs tu as très faim toi aussi. Hein. Le livre te précise qu'il va falloir que tu prennes un repas et que éventuellement, si t'as pas de repas sur toi, manger du marcassin, ça pourrait faire office, quoi. Je te rappelle que si tu prends pas de repas, tu perds 3 PV. Bon après, toi t'es survivaliste, t'es pas concerné. Ouais, c'est pour ça. Donc tu peux. Alors les choix qui te sont offerts, c'est tuer le. En fait, abréger les souffrances du Marcalou. Donc le tuer. Tu peux. Tac, tu peux laisser le vieux gérer la situation. Ou tu peux tenter de libérer le Marcalou. Alors, je rappelle que dans tes souvenirs, toi, tu consommes pas de chair animale. Après, tu sais pas pourquoi, tu sais pas ce qui se passe si tu en consommerais. Je vais essayer de libérer le Markelou quand même. J'ai plus peur que le reste du groupe me râle dessus qu'autre chose, mais Bah, c'est clairement ce qui se passe, hein. Le vieux, en fait, dit, bah non, non, enfin, comment, nous, on veut le tuer, enfin, on a trop la dalle et tout. Toi, si tu veux pas en manger, c'est ton problème, et tu vas certainement pas le libérer. Donc, là, tu as deux options. Tu peux tenter de quand même empêcher le vieux. Ou tu peux le laisser faire. D'un côté, ça m'emmerde, mais de l'autre, si je garde pas des alliés, je vais être vraiment dans la merde. Non, je vais essayer de l'en empêcher. Okay. Donc en fait, tu dois faire un duel de nerfs. Ouais, c'est ça, ouais. Okay. Du coup, en fait, y a carrément une foire d'empoigne en fait avec le vieux pour l'empêcher. Donc en fait, tu vas jeter un dé pour toi et un dé pour le vieux et tous les deux vous ajoutez votre score de nerfs. Alors, le vieux en nerf. Le vieux, il a 10 en nerf. Ouf, blackboard. J'ai 8, donc du coup, il y a quand même des grandes chances qu'il ait le dessus. Je lance, rouge pour le vieux, bleu pour moi. Ça fait quoi en cas d'égalité? Je pense qu'en cas d'égalité, pour jeter le dé, quoi. D'accord, bon, hop. Ouais, non, il a bien le dessus de 4 points. Ok, ouais. Donc, bah, malheureusement, bon, ils s'y mettent. Enfin, je pense que comment. Tu peux pas les empêcher. Donc, ils tuent le marcassin. Tu noteras qu'ils sont pas. Ils sont pas. Comment dire? Ils sont pas Stupidement cruel. rancuniers parce qu'ils te proposent quand même enfin, tu vois, ils commencent direct à le dépecer, tu vois, sous tes yeux, quoi. Et ils te proposent d'en manger, en fait. Ouf. Que tu acceptes ou est-ce que tu refuses? Non, je refusais. Très bien. Donc tu refuses. Bon, ils ont l'air de bien se régaler. Sauf que, au bout d'un moment,